My world's father, Charlie.

Merci Jackie et Michel. On peut le faire aussi, hein. Ouais. Super les gars, super. Les gars, super. Arrête. Arrête. Bibop à poil et sans les mains. Bibop à poil et sans les mains. Bibop sort les noisettes. Sors, ouais, bien, ça va bien. Bibop sort le. Bibop à poil et sans les noisettes. Bibop à poil et sans les noisettes. Et bibop à poil et sans les noisettes. Bibop à poil et sans les noisettes. Les noisettes, les noisettes. Bibop à poil et sans les noisettes. Et sans les noix de coco. Bibop à poil et sans les noisettes. Sors les noisettes. Bibop à poil. Ça c'est pour les filles. Bibop à poil qu'on rigole un coup. Bibop à poil qu'on rigole un coup. Bibop à poil, sors les pastèques. Qu'on rigole un coup pour de bon. Bibop à poil, sort les pommes. Tous à poil. Tous à poil, tous à poil, tous sort les pommes. Dernier de la queue. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Ouais. Ouais. Ah, il est con. Mickey, tiens, Mickey. Mickey à poil avec une plume dans le fion. Mickey à poil avec une plume dans le fion. Mickey. À poil, avec une plume dans le fion, dans ton petit fion, serré comme un lion. Une plume dans le fion, Mickey à poil, avec une plume dans le fion. Mickey à poil, avec une plume dans le fion, une plume dans le fion. Océan, océan. À poil aussi. Mickey à poil avec une plume dans le fion. Océan à poil avec un petit poisson. Océan à poil. T'as les... Bon, j'arrête là. Océan à poil. T'as les pommes qui débordent, t'as les pommes qui débordent du bas, t'as les pommes qui débordent, t'as les pommes qui débordent du slip. Allez, c'est parti. On va mettre une drone, tiens, on va mettre une drone. C'est parti, ouais. T'as les pommes qui débordent du slip, il faut se rhabiller. T'as les pommes qui débordent du slip, il faut se rhabiller. Ton caleçon est trop petit. Ça c'est le look, ça. C'est le look coco. Ouais. Oh. T'as le look coco. Coco, t'as le look. T'as les pommes qui débordent du slip. Allez. Ce petit verre dans ton slip. Et en même temps ta chambre. T'as le prépu qui déborde. Range-moi ça. C'est pas beau à voir. C'est pas beau. T'as le prépu qui déborde. Range-moi ça. C'est pas beau à voir. Range-moi ça. T'as le prépu qui déborde de ton short. Range ton prépu. Tiens, je vois une bure. Range ton prépu, il pue. Et je vois une bure. Range ton prépu, il pue. Et je vois une bure. Et c'est pas beau à voir. Range ta burne. Elle est pas belle à voir. Range ta burne. Un peu velu sur les bords. T'es assis, jambes écartées. T'es assis, jambes écartées. T'es assis, jambes écartées. Un peu de respect. Assis, jambes écartées. Un peu de respect. T'es assis, jambes écartées. Un peu de respect. T'es assis, jambes écartées. Un peu de respect. T'as la burne qui déborde. C'est pas beau à voir. T'as le prépu qui déborde. C'est pas beau à voir. T'as le cul qui déborde. C'est pas beau à voir. T'as les pommes qui débordent. C'est pas beau à voir. T'es assis, jambes écartées. Tiens, je vois une noisette. T'es assis, jambes écartées. Tiens, je vois deux noisettes. T'es assis, jambes écartées. Tiens, je vois trois noisettes. Range-moi ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? Range ça dans ta poche. C'est pas beau à voir. Range ça dans ta poche. C'est pas beau à voir. Range ça dans ta poche. Mais quelle est cette tache jaune? Range ça dans ton slip. C'est pas beau à voir. T'as les pommes qui sont fanées. T'as c'est les pommes qui sont fanées. Mais c'est un trognon. T'as la pomme qui déborde du slip. Mais c'est un trognon. T'as le prépu qui déborde du slip. C'est pas beau à voir. T'as le poireau qui déborde du slip. T'as le poireau qui déborde du slip. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à savoir. C'est pas beau à voir. T'as les pommes et la banane. T'as les pommes et la banane flambée. T'as les pommes et la banane. C'est pas beau à voir. T'as les pommes et la banane flambée. Range-moi ça. Attention au gorille. Range ça dans ton slip. Attention au gorille. Range-moi ça. Attention au gorille. Range-moi ça. Il aime bien les bananes. Tu vas perdre tes noyaux. C'est dégueulasse à voir. À force de les laisser traîner. Attention aux gorilles. Tu vas perdre ta banane. C'est pas beau à voir. À force de la laisser traîner. À force de la laisser traîner. Tu vas perdre ton noyau. Tu vas perdre ton noyau. Tu vas perdre ton noyau. Tu vas perdre ton noyau. Tu vas perdre ton noyau. À force de le laisser traîner. C'est pas beau. Tu vas perdre ton noyau. C'est pas beau. C'est pas beau. À force de le laisser traîner. Tout ce qui dépasse beau. Passe à sa place. C'est pas beau à voir. Tout ce qui déplace doit être à sa place. Pas beau à voir. À sa place, être à sa place, doit être à sa place. Tout ce qui dépasse doit être à sa place. Tout ce qui dépasse doit être à sa place. Tout ce qui dépasse doit être à sa place. Tout ce qui dépasse doit être à sa place. Tout ce qui dépasse doit être à sa place. Tout ce qui dépasse doit être à sa place. Tout ce qui dépasse doit être à sa place. Tout ce qui dépasse doit être à sa place. Tout ce qui dépasse doit être à sa place. Tout ce qui dépasse doit être à sa place. Range-moi ces pommes. Tout ce qui passe, les pommes. les pommes. Qui dépasse doit être à ta place. Fais gaffe. Je coupe. Sinon je coupe. Range tout ce qui dépasse, sinon je coupe. Je coupe. Tout ce qui dépasse d'être coupé. Je coupe. Tout ce qui dépasse doit être coupé. Je coupe. Je coupe. Édouard. Je coupe. Édouard aux mains d'argent. Qui coupe les purs, on écoute tout ce qui dépasse. Édouard aux mains d'argent. Je coupe. Édouard coupe tout. Qui dépasse. Je coupe. Édouard. Je coupe avec le ciseau. Édouard aux mains d'argent. Je coupe avec le ciseau. Coupe tout ce qui dépasse. Je coupe avec le ciseau. Je coupe avec le ciseau. Je coupe avec le ciseau. Je coupe. Coupe avec le ciseau. Je coupe avec le ciseau. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je coupe avec le ciseau. Je coupe qu'est-ce avec le ciseau. Qu'est-ce qui se passe? Mes purs sont plus là. La la la la la la la la la la. Je coupe. Al, al, al. Je coupe avec le ciseau. Al, al, al. Je coupe avec le ciseau. Al, al, al. Je coupe. Je coupe avec les ciseaux. J'ai plus de pure. J'ai coupé. Y'a plus rien. J'ai coupé. C'est le désert. J'ai coupé. La. J'ai coupé. La. J'ai coupé. J'ai coupé. J'ai rasé. J'ai coupé. J'ai coupé. J'ai rasé. J'ai coupé. J'ai coupé. Tout doit être à sa place. J'ai coupé. Tout doit être à sa J'ai coupé. Place. Tout ce qui dépasse. Tout ce qui dépasse. Doit être à sa place. J'ai coupé. Je coupe au ciseau. Les choses qui dépassent. Je coupe au ciseau. Les choses qui dépassent. Et si ça repousse alors là. Et si ça repousse. Et si ça repousse. On coupe quand. Tu vas ranger ce qui dépasse. Tu vas ranger ce qui dépasse. Tu vas ranger ce qui dépasse. Sinon je vais tirer dessus. Tu vas ranger ce qui dépasse. Ça c'est vas ranger ce qui dépasse. Tu vas ranger ce qui dépasse. Sinon je vais tirer dessus. Allez, range-moi ça vite fait. Bravo. Ouais, faut aller ranger les chambres là, les gars, allez. Et tout ce qui dépasse, hein. Oh. Faut ranger, hein. Les trucs là, qui tu as laissé traîner, hein. J'ai vu. Tu as tapé sur le tam-tam là. Tu as laissé traîner des bijoux. J'ai tiré dessus. Ah, faut ranger là, faut ranger, hein. Ah, faut ranger là, faut ranger. Ah, sinon, Coco, il coupe, hein. Il a un secateur. Je vais tirer, hein. Ah, il a la machette, il a le coupe-coupe, hein. Faut ranger, tu tiens? Ah, tout, hein, le tuyau, tout, les noisettes, non, tout. Tu es assis là. Tu es assis devant moi là. Eh, là, oh, tu es assis devant moi là. tu vas fermer les cuisses là, oh. Tu es assis devant moi là, les pommes sont en train de déborder. C'est pas beau. Ça va tomber. Ah, je vais tirer dessus. C'est pas beau là. Je vais cueillir. Tu comprends? Les gens là sont assis devant toi là. Hein? Boubou le short là. Boubou mettez les shorts là, sexy. C'est serré. Ouh là là. Les, ça va exploser. Hein? Les gens sont en train de déborder. C'est pas beau là. Sur les côtés là. Comment là? Eh, bibop là. Vous êtes en train de. Vous fermez les. Allez, faut fermer les. Faut fermer. Faut fermer les. L'accès. Vous comprenez? C'est pas beau, hein. Un autre tube? Merci Bibop. Super comme toujours. Le rythme dans la peau, c'est parfait. Reste comme tu es. Et range tes boules aussi. Sinon, il y a Coco dans les parages là. La boule, ça va tomber dans les assiettes. Hein. Faire attention, hein. Les gens là sont en train de se balader. Comment c'est cette balade avec les. Sans slip, hein. Bibop là. Allez, à plus. Ciao, ciao. Merci à toi. Merci à toi. Thank you. Thank you.